expression choquante, drogue douce. Si c'est une drogue, elle peut pas être douce. Et si elle est douce, c'est pas une drogue. Choquante, drogue douce. Si c'est une drogue, elle peut pas être douce. Et si elle est douce, c'est pas une drogue. Fire! Cherchez discours. avec eux. Et après, j'en fais des meufs.